J'ai lu que Thibaut, tu avais mené ta petite enquête au sujet du vol des bijoux de la Kardashian. Oh, la Kardashian. Exactement. Il paraît que c'est faux, il paraît que c'est un mytho. Elle a pas dit que c'est un mytho ? Alors, j'ai mené l'enquête, je vous le disais la semaine dernière, je mène l'enquête sur le Kardashian Gate. Et cette semaine, scoop, j'ai retrouvé les agresseurs de Kim. J'ai le cerveau des agresseurs en ligne avec nous. Allô ? Surtout, dites-le quand je me franchis. Ouais, alors, on comprend rien de ce que vous dites là. Enlevez votre masque. Pardon. Je disais, surtout, dites pas que je suis Francis Fournier. Oui, alors c'est-à-dire qu'on est à l'antenne, Francis. Non, attendez, je veux garder l'anonymat. Appelez-moi Brigitte, ouais, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, très bien. Donc Brigitte, vous êtes donc le cerveau des agresseurs, de Kim Kardashian. Ouais, d'ailleurs, j'aimerais qu'on rectifie un truc. On n'a jamais ligoté Kim Kardashian. Ah bon ? Bah non, la nana est millionnaire et vous pensez qu'elle avait de la ficelle ? Non, on l'a lingoté, c'est plus classe. C'est chiant, les journalistes disent vraiment n'importe quoi, on est obligé de faire des démentis et c'est un coup à se faire retrouver. Oui, d'ailleurs, je vous ai retrouvé. Ouais. Bon, vous êtes déguisé en policier, comment vous avez eu cette idée ? Ah bah, ça c'est pas grand chose, je m'y connais en déguisement, chaque année au Galerie Lafayette, je fais le Père Noël. C'est la première fois que vous faisiez un casse ? Ah non, en faisant ma vaisselle, j'ai déjà fait de la casse. Oh là là. On peut mettre le ploum poum. Il le met pas pour lui en général. Ça n'a aucun rapport. Ouais, je sais. Ah bon ? Je t'ai pété ta chute et c'est moi qui ai eu les rires. Je suis trop raide. Vous comprenez que Kim Kardashian soit choqué, c'est pas bien de s'introduire chez les gens comme ça. Ouais bah non, mais là c'est pareil, les journalistes ont dit vraiment n'importe quoi. Oui, on est rentré chez elle, oui, on l'a agressée, mais en entrant on a dit bonjour. Vous avez raison Brigitte de préciser pour les prochains touristes qui se feront agresser que le français est poli. Ouais, et après bon, effectivement on aurait peut-être pas dû faire ça dans la nuit. Après le recul je me dis, c'est vrai que ça peut réveiller en sursaut. Oui. Alors justement, pourquoi vous n'avez pas fait ça dans la journée quand la star était absente ? Ah ouais, non mais là c'est les plannings qui collaient pas. Lulu, lui il faisait les 3-8, Bernard il avait sa gamine, non, il restait plus que ce créneau là. Vous rendez compte quand même que tous les millionnaires vont être paranoïaques ? Bah attendez, est-ce qu'on pense à nous ? Vous croyez que c'est facile pour nous de vivre en cachette là ? Oui, surtout que vous, en plus, vous transportez pour 9 millions de bijoux, ça peut être hyper dangereux pour vous. Hein. Bah ouais, on n'est pas à la brink. Eh non, vous n'êtes pas à la brink d'avoir des problèmes. Oh là. Merci Brigitte, on est obligé de vous laisser une minute de plus avec vous et on risque de repérer votre appel. Bah, j'ai le montant de la valise d'RTL si vous voulez. C'est bien, mais ce n'est pas ici. Hein. Puis 9 millions de bijoux, ça vous suffit pas ? Bah, plus t'en as et plus t'en veux. Attendez, j'ai la réponse de Pantoufle, c'est Pantoufle. En tout cas, vous pouvez compter sur moi, je vais tweeter avec le hashtag Pantex. Ah bah attention, c'est quand même un coup à vous faire repérer ça aussi. Un police peut remonter jusqu'à vous avec votre connexion internet. Ah non, y a pas de problème, j'ai piraté le wifi de Kardashian. Merci Brigitte. Ah, il vous remercie aussi. Merci Brigitte. Salut Brigitte. Brigitte est possédée quoi.